بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc toujours dans le deuxième chapitre du mérite du tawhid et de son expiation de l'ensemble des péchés. On avait commencé à lire le hadith de Ubad ibn Samit radiallahu an. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh, wal jannata haqqun wal nara haqqun, adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Donc la dernière fois on avait vu la première partie du hadith, le sens de shahida, donc le sens de ce que c'est une shahada dans la langue arabe. On avait vu que ça comprend la science, ça comprend l'yaqin, ça comprend al-sidq, donc ça comprend la science et l'ilm. L'yaqin, la certitude, sidq, la véracité, ça comprend aussi notq, le fait de la prononcer par la bouche, par la langue plutôt. On avait vu le sens aussi de la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Donc ça c'est la première condition, on va dire, qui cite dans le hadith. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité la deuxième shahada. Donc dans les shahadatain, les deux attestations de foi, wanna Muhammadan abduhu wa rasul. On s'était arrêté là. Donc Al-Muhashi, Sheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, il dit: ay shahida anna Muhammadan abduhu wa rasul bi sidqin wa yaqin, wa dhalika yaqtadi ittiba'ahu wa ta'zim amrah ونيهه واللزوم سنته والتعظيم اتباع يقتدي اتباعه والتعظيم أمره ونيه واللزوم سنته وأتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا حتى جوز الاستغاثة به في جميع ما يستغاث بالله فيه، أو فرط بترك متابعته والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة، وشهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور. Donc, la deuxième shahada, le deuxième témoignage, le témoignage, donc celui qui témoigne que Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et est le messager d'Allah. Ensuite, ici, il précise avec sincérité, c'est-à-dire il faut que la parole de la bouche corresponde à la croyance du cœur. Si une personne le prononce cette parole-là par la bouche alors qu'il n'y croit pas par le cœur, c'est la réalité du nifaq. Wayaqin est avec certitude. Donc on retrouve en réalité les conditions qui conditionnent la validité de la première shahada, donc la shahada du tawhid, la ilaha illallah. Les conditions qui conditionnent la validité de cette shahada, on les retrouve comme condition dans la validité de la deuxième shahada aussi. On retrouve al-yaqin ou al-sidq qui conditionne la shahada de Muhammad Rasulullah. Et là, comme pour la première shahada, on avait vu que la ilaha illallah, c'est une parole qui a un sens et qui implique une croyance et qui implique des actes. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser le shirk. Là, de la même manière, cette shahada de Muhammad Rasulullah, c'est une connaissance à avoir, c'est une parole à dire par la langue, mais ça va aussi impliquer des choses. Ça va impliquer de suivre sa sunna et d'avoir de l'estime pour sa charia, c'est-à-dire pour l'ordre et pour l'interdit, avec lesquels, pour les ordres et les interdits avec lesquels il est venu. Il rentre aussi là-dedans le tahkim shar'a, c'est-à-dire le fait de le prendre ou de revenir à sa sunna pour juger, soit juger entre les gens concernant un gouverneur, soit juger dans les litiges pour un juge, ou le fait de pour un serviteur qui est en litige avec un autre serviteur, le fait de revenir à un juge pour trancher dans ce litige-là. Ça, tahkim shar'a. Et le fait de suivre sa sunna. Tout ça, c'est impliqué par Muhammad Rasulullah. Il y en a d'autres qui disent, comme le Cheikh Muhammad, rahimahullah, Abdel Wahhab dans l'Usul al-Thalatha, il dit, c'est tasdiqu fima akhbar. Le fait de le rendre véridique dans ce dont il nous informe concernant Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs. Concernant des faits passés, concernant les communautés passées, concernant des informations concernant le futur, tout ça, à partir du moment où l'information elle est authentique, le hadith il est authentique, on doit y croire, on doit le rendre véridique, tasdiq. Mais l'iman, c'est pas simplement être tasdiq, comme on l'a dit. Chez Al-Sunna wal Jama'a, c'est aussi une parole de la langue, donc en témoignant de cette shahada-là. Et aussi, c'est des actes, c'est-à-dire que cette croyance-là, elle doit pousser aux actes. C'est-à-dire, c'est obéir dans ce qu'il nous a ordonné et s'écarter de ce qu'il nous a interdit. Et enfin, quand il dit ici, wal-wuzu sunnati, rentre aussi le fait d'adorer Allah Jalla wa Ala conformément à sa sunna. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala conformément à sa sunna. Donc, la ilaha illallah, je n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala et je l'adore Muhammad Rasulullah, je l'adore conformément à sa sunna. Pas avec de la bid'a. Et ici, il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette deuxième shahada, il a décrit, s'est décrit lui-même comme étant Abduhu wa Rasulu, le serviteur d'Allah, mais aussi le messager d'Allah. Et là, réunit ces deux attributs-là pour rejeter deux choses, l'exagération et le délaissement. C'est-à-dire, l'exagération, il y a beaucoup de gens qui ont élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de sa qualité de messager, de prophète. Ils l'ont élevé à un rang où carrément ils lui ont attribué l'adoration. C'est-à-dire qui permettent le fait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le secours, le rizq et d'autres choses. Ces adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, de ne lui vouer qu'à lui, de purifier notre culte envers lui par ces adorations-là et de ne les vouer à aucune autre divinité. Il y a des gens qui sont allés vers l'exagération, c'est ce qui est voulu, c'est par l'ifrat, l'exagération en vouant certaines de ces adorations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça peut atteindre le shirk akbar. Ou alors, des gens qui se réunissent auprès de sa tombe et qui prennent sa tombe comme lieu de recueil, alors qu'il l'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit, qui prennent sa tombe comme lieu de prière, ça aussi il l'a interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra dans le chapitre suivant. Donc tout ça rentre dans l'ifrat, dans l'exagération, dans élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de sa qualité de messager, de prophète. Et il y en a d'autres qui ont délaissé. Délaissé quoi? Délaissé sa sunna. Qui ont délaissé aussi la législation avec laquelle il est venu. De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, en revenant par exemple dans justement les litiges dont on parlait avant et qui vont s'adresser à une loi, à une législation qui n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trancher dans leur litige, ou qui vont délaisser sa sunna, ou qui ne vont pas avoir une estime suffisante concernant ses ordres et ses interdits. Donc c'est des gens qui commettent des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit, et qui en délaissent d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. Donc ça c'est at-tafrit. At-tafrit c'est le délaissement, le fait de délaisser. De délaisser sa législation en obéissant à une autre législation et en demandant jugement à une autre législation que la sienne. Et c'est pour ça qu'on verra que dans le chapitre sur la législation et sur le tahakkum, que tahkim al-qawanin, le fait d'établir comme loi les qawanin, c'est-à-dire les lois, les lois inventées par les hommes, le fait de mettre ces lois-là comme législation légitime et d'en revenir pour trancher dans les litiges, pour juger entre les gens, ça contredit non seulement la ilaha illallah, ce qu'Allah jalla wa ala, c'est lui el-hakem, inna al-hukmu illa lillah, mais ça contredit aussi Muhammad Rasulullah. تحكيم الرسول فلو ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Ça contredit Muhammad Rasulullah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une législation à laquelle on doit obéir et à laquelle on doit revenir dans nos litiges. Donc ça rentre dans At-Tafrit. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il s'est décrit par ces deux sifat. Les gens qui exagèrent, l'ifrat, et les gens qui délaissent sa sunna et sa législation, tafrit. Et dans les deux choses, on a des choses qui atteignent le shirk akbar ou le kufr akbar, et on a des choses qui sont moindres, qui sont de la bid'a, qui ne fait pas sortir l'individu de l'islam. Ou des péchés qui ne font pas sortir leur auteur de l'islam. Donc c'est ce qu'il dit ici, il dit نعم بالأوضاع والقوانين الباطلة, il dit وشهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور. C'est-à-dire que leur shahada, leur témoignage est tronqué en fonction de ce qu'ils ont commis de ces choses-là. Si c'est quelqu'un qui exagère concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'élève au rang d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant des adorations, ça atteint le shirk akbar et là, ça démonte complètement, ça annule, ça détruit sa shahada. Si c'est des choses qui sont de l'ordre de la bid'a, comme le fait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'ils appellent le tawassul bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est des choses qui sont de l'ordre de la bid'a. C'est des choses qui sont de l'ordre de la bid'a. Il y a un khilaf entre les ulama, des ulama qui voient que c'est du shirk akbar, il y en a d'autres qui voient que c'est une bid'a qui n'est pas mukaffira. À la kulli hal, c'est le fait d'exagérer. Dans cette exagération-là, il y a des choses qui annulent complètement l'islam, cette shahada-là, puisque on rappelle que la shahada de la ilaha illallah n'est valable uniquement que si la deuxième est valable. Les deux, il y a un lien nécessaire, obligatoire entre les deux. Quelqu'un ne peut pas réaliser l'une sans l'autre. Il dit wa abd bima'na muta'abbad عام وبمعنى عابد خاص بمن عبد الله وإضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف كقول تعالى أسرى بعبده ومعناه هنا المملوك العابد والعبودية الخاصة وصف ورسوله أي مرسلة بأداء شريعته وعبد بمعنى متعبد عام. Ici, il vise le fait que l'aboudia, elle est de deux sortes. Ce qu'ils appellent l'aboudia tel'amma. L'aboudia tel'amma, c'est-à-dire le fait que n'importe quelle créature soit sous le commandement d'Allah et sous la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tout serviteur est assujetti à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui le fait vivre, qui le fait mourir, qui l'a créé à partir de rien. Ça c'est l'aboudia, l'amma, et aucune des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sort de cet asservissement ou de cette aboudia. Muta'abbad am. وَبِمَعْنَا عَابِدَ خَاسْ بِمَنْ عَبَدَ اللَّهِ. C'est aussi le sens de l'ubudiya al-khassa, c'est-à-dire, là, ici, ce qui est visé, c'est l'adoration. Donc ça, c'est l'acte du serviteur, que l'acte fait, c'est-à-dire qui cherche à se rapprocher d'Allah Jalla wa'ala, en l'aimant et en se rabaissant devant lui et en faisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire comme adoration. Ça, c'est le sens de l'ubudiya al-khassa, l'ubudiya al-amma. N'importe qui, toute la création rentre dans cette ubudiya-là. La deuxième, non, c'est que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'adorent lui seul sans lui donner aucun associé. Puisque l'ibada, on le rappelle, dans la sharia, c'est tawhid. L'ibada partagée, le fait de donner l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et de donner l'adoration à un autre qu'Allah, on n'appelle pas ça ibada dans la sharia. وَرَسُولُهُ, c'est-à-dire qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et que son rôle, c'est de transmettre le message. إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغْ. Il ne t'incombe que la transmission du message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour transmettre le message. Le message du, premièrement, du tawhid, comme l'ensemble des messagers, et ensuite, sa législation, c'est-à-dire le halal et le haram qu'Allah lui a transmis. Et auquel on doit, et à laquelle on doit revenir dans nos litiges. Et avec laquelle n'importe quel gouverneur doit diriger son pays. Pour que son pays soit considéré comme Dar Islam et que lui soit considéré comme un gouverneur légitime musulman. Ensuite, il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith et il rajoute autre chose dans ce témoignage. Il dit: Wa anna Isa, Abdullahi wa Rasulu. وأن عيسى عبد الله ورسوله. الشيخ عبد الرحمن دي وفي رواية وابن أمتي وابن أمتي يعني مريم وابن أمتي خلافا لما يعتقده اليهود أنه ابن زانية أو ما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث الثلاثة. تعالى الله عما يقولون عروا كبيرا فلابد أن يشهد أنه عبد الله ورسوله عن علم ويقين بل يصح توحيد عبد علم بمقالتهم في عيسى حتى يتبرأ منهم ومن مقالتهم ويأتي بما هو الحق في ذلك وهو الشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute comme témoignage celui que Isa alayhi salam est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager. Là aussi, on voit que donc Cheikh Abdurrahman, rahimahullah, il dit Dans certaines riwayas, donc dans certaines versions du hadith, il rajoute aussi est le fils de son esclave ou de sa servante qui était Maryam, alayha salam, le fils de Maryam. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé d'une mère sans père. Et c'est ça qui a créé le trouble chez les juifs et les chrétiens du fait de leur délaissement de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur égarement. Ça a créé le trouble chez eux. Le fait que Maryam, elle ait un fils sans père. Et c'est là ils ont divergé. Donc c'est pour ça qu'il dit contrairement à ce que croient les juifs. Donc ici, ils visent Warasuluhu. Eux, ils disent qu'il n'est pas Rasul. Mais ils disent plutôt que c'est un enfant de la fornication. A'oudou billah. Ils disent que Isa, donc, que Maryam, elle a fait zina et que Isa, alayhi salam, il est né de cette fornication-là. Subhanallah. Alors que les chrétiens, eux, donc ça, c'est tafrit, le délaissement. Le délaissement, le fait de ne pas reconnaître le messager, ce messager-là, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il leur a envoyé. Et les chrétiens, eux, ils ont exagéré. Ils ont vu qu'un enfant comme ça venir sans père, et ils ont prétendu qu'il est Allah, ou le fils d'Allah, ou le troisième de trois, la Trinité. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite les trois paroles dans le Coran et il kaffare les trois groupes. Se sont divisés en trois groupes, on peut dire en quatre groupes, puisqu'il y avait quand même les mouahidins, des gens qui ont cru en Isa et qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui donner aucun associé, et en suivant sa législation. Mais les trois groupes de mouchrikines parmi eux, il y en a qui ont prétendu qu'il est Allah lui-même, ou le fils d'Allah, ou le troisième de trois. Allah, il a kaffar les trois clairement dans le Coran. Et donc, il est obligatoire que la personne témoigne que Isa alayhi salam, il est le serviteur d'Allah et son messager. Et ceci avec certitude. C'est-à-dire, on demande toujours les mêmes conditions. L'ilm, la science, la certitude, le sidq, la véracité, les mêmes conditions que pour les shahada précédentes. Et le tawhid d'un serviteur n'est valide que si le tawhid d'un serviteur qui connaît la parole des juifs et des chrétiens. Donc celui qui connaît leurs croyances, qui sait ce qu'ils disent, il doit absolument se désavouer d'eux. Et le tawhid d'une personne n'est valable que lorsque, après avoir évidemment, en connaissant leurs croyances, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est les juifs et les chrétiens, évidemment, il ne peut pas lui demander de se désavouer d'eux sans savoir qui ils sont, mais quelqu'un qui connaît leurs croyances, et qui a reçu le Hujja, qui est le Coran, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré, il a expliqué, il a dévoilé leurs croyances dans le Coran. Une fois que cette personne-là, elle a eu cette science-là, elle a cette connaissance-là, elle doit absolument se désavouer des juifs et des chrétiens, sinon son tawhid, il n'est pas valable. Et on peut rajouter, comme on l'a vu dans les précédents chapitres, que de la même manière, la personne n'est mouahid que lorsqu'il s'est désavoué des mouchrikines, même s'ils ne sont pas juifs ou chrétiens, même s'ils sont sur d'autres religions, comme l'adoration des statues à l'époque de Quraysh, ou l'adoration des tombes, ou des démocrates, ou d'autres personnes qui ont pris comme religion une autre religion que celle de l'islam, qui est l'adoration d'Allah Jalla wa Asal, le délaissement du shirk, l'obéissance à Allah seul et le rejet de toute autre législation. La personne doit absolument se désavouer de ces gens-là, sinon son tawhid n'est pas valide. On rappelle que le takfir des mouchrikines de manière globale, qu'ils soient juifs, chrétiens ou adorateurs de tombes, de statues ou démocrates ou autre chose, c'est on appelle ça une implication de la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça implique que celui qui n'adore pas Allah seul ou qui n'obéit pas à Allah seul, ça implique que cette personne-là n'a pas réalisé le tawhid et donc elle est mushrik. Et celui qui croit qu'elle est musulmane, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est le tawhid. Ça revient à la première condition de la validité de la ilaha illallah, comme on va le voir un peu plus tard, qui est la science. On a déjà parlé, mais on va le reciter juste un peu après. Poursuit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il dit wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu. Donc la parole d'Allah qu'il est la parole d'Allah, on va voir ce que ça veut dire. Ou qu'il est plutôt le Kalimatullah. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé Kalimatullah dans le Coran. Il va expliquer le sens de Kalimatullah. Al-Qaha ila Maryam. Qu'il a jeté en Maryam. Ou qu'il a placé en Maryam. Et un esprit venant de lui. Ruhun min. وَرُوحٌ مِنْهُ et un esprit venant de lui. Il dit أَيْ خَلَقَهُ مِنْ أُنْثَى بِلَا ذَكَرْ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي أُرْسِلَ بِهَا جَبْرَائِيلُ إِلَى مَرْيَمَ فَنَفَخَ فِي جَيْبِ دِرْعِهَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ خَلَقَهُ بِقَوْلِ كُنْ وَأَوْجَدَهُ بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ فَكَانَ بِقَوْلِهِ كُنْ وَسُمِّيَ كَلِمَةً لِوُجُودِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى كُنْ فَلَيْسَ هُوَ كُنْ وَلَكِنْ كَانَ بِكُنْ فَكُنْ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا وَلَيْسَ كُنْ مَخْلُوقًا وعيسى روح من الأرواح التي خلقها واستنطقها وخذ عليها الميثاق بقول ألست بربكم قالوا بلى بعثه إلى مريم فدخل فيها. قال الحافظ وصفه بأنه منه فالمعنى أنه كائن منه أي مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. Donc, وكلمته ألقاها إلى مريم. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens de ça, وكلمته, si on traduit comme ça textuellement, est sa parole ou son mot. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé comme ça? Parce qu'Allah jalla wa ala il a créé, comme on l'a dit, Isa d'une mère sans père. C'est-à-dire sans le sebeb qu'on trouve habituellement chez la grande majorité des enfants d'Adam et même des autres espèces, d'une femelle et d'un mâle ou d'un père et d'une mère. Et Isa alayhi salam, il est né d'une mère sans père. Allah jalla wa ala, il a envoyé Jibril. Jibril, il a soufflé dans la poche de la robe de Maryam. Ça, c'est rapporté par certains salafs. Il y a plusieurs versions. Il a soufflé dans la poche de Maryam. Et ce souffle a atteint l'utérus de Maryam. Et Allah, Jalla wa ala, par sa parole Kun, a créé Isa. Par sa parole Kun, il a créé Isa. Ça, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit est semblable à Isa pour Allah, Adam. Que Isa, il est semblable pour Allah ou chez Allah, il est semblable à Adam. Il l'a créé de terre et ensuite il a dit soit et il est. C'est-à-dire, il est semblable à Adam dans le sens où il est d'une mère sans père, comme Adam, il n'est ni sans père ni sans mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé avec ses mains, comme on l'avait vu, à partir de terre. Il a dit « Kun » et il a été. De la même manière, Isa, il a été par la parole d'Allah Jalla wa Ala kun par un sebeb qui est inhabituel, d'une mère sans père. Et par le souffle de Jibril, comme sebeb. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé en disant kun. Il l'a créé évidemment comme toute chose par sa puissance et sa sagesse. Et comme Allah Jalla wa Ala, il l'a créé en disant ce mot-là, il a été appelé kalima. Il a été appelé le mot ou la parole. Pour avoir, il dit, été créé ou pour avoir trouvé la vie par ces mots-là. C'est-à-dire que Isa, ce n'est pas lui kun. Kun, c'est la parole d'Allah Jalla wa Ala, et Isa, il a existé par cette parole-là. Et kun, c'est pas kun qui est créé. C'est Isa qui a été créé par kun. Et kun, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est une sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, on rappelle. Ça, pourquoi? Parce que il y a Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, ils prennent ces hadiths-là comme dalil sur leur fausse croyance que le Coran, c'est pas la parole d'Allah Jalla wa Ala, mais c'est une créature. Que le Coran, il est créé. Et donc, ils ont pris ça. Ils ont pris wa kalimatuhu. Ils ont dit Isa, c'est kalimatullah. Isa, il est créé. Donc, la parole d'Allah, elle est créée. C'est leur istidlal. Al-Sunna wal-Jama'a, dans l'imam Ahmed, ils leur ont répondu avec cette explication-là. C'est-à-dire que Isa, il a existé par kun. Kun, c'est la parole d'Allah. Et comme Isa, il a existé par cette parole-là, évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé avec, comme il le dit, avec sa puissance, sa hikma, mais en disant kun, Isa, il a été appelé kalimatullah, né d'une mère sans père. Et donc, kun, c'est la parole d'Allah qui est une sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Isa, c'est bien la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été créée par Allah, par ces mots-là, kun. Ensuite, il nous dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, « wa ruhun min », il y a un esprit venant de lui. Ça, esprit, ça aussi, ou une âme venant de lui. Ça, c'est les chrétiens, les nasara. Les chrétiens, ils ont pris ce hadith-là et ils ont essayé de contredire les musulmans dans leur croyance en disant, on voit dans ce hadith-là, il prouve que Isa, c'est une partie d'Allah. Il vient d'Allah. Ruhun minhu. C'est une partie d'Allah. Il vient de l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que le sens ici, c'est que Isa, il est une âme parmi les âmes qu'Allah, jalla wa ala, il a créée et à qui il a fait prononcer les fameux mots qu'il a... Dans l'engagement qu'il leur a fait prendre. Il leur a fait prononcer ces mots-là, « Alastu birabbikum »« Alastu birabbikum »« Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils ont tous répondu « Bala »« Si, assurément tu es notre Seigneur. » C'est-à-dire que toute la descendance de Adam, Allah Jalla wa Ala, il leur a fait témoigner qu'il est bien leur Seigneur. Et Isa, il fait partie des âmes qu'Allah Jalla wa Ala il a créé et à qui il a fait prononcer ce serment-là. Et donc, en cela, il n'a rien de différent des autres âmes, des autres enfants d'Adam. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, il dit, et il a décrit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit, et le professeur sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a décrit Isa comme venant de lui. Et le sens, c'est-à-dire qu'il est créé par lui. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a formé et il l'a créé à partir de rien par sa puissance et sa sagesse. Non. Il y a des ulama qui disent que ce serment-là, donc on trouve dans Surat Al-A'raf, Alastu birabbikum qalu bala, il y a certains ulama qui disent que c'est la fitra, C'est la fitra. C'est le sens de la fitra. Par ce serment-là, les gens ils naissent sur la fitra, sur l'islam, sur la saine nature. Ensuite, là, il va citer une règle importante. Il dit: Wal mudaf ila Allahi ta'ala. Wal mudaf ila Allahi ta'ala, idha kana aynan qa'imatan bi nafsiha. Ka'isa. Imtana'a an takuna sifatan lillah. وإنما هو إضافة مخلوق إلى خالق وهو على قسمين إضافة التشريف والتكريم كبيت الله وخليل الله وروح الله وإضافة لا تقتضي تشريفا كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي كائنة منه كونها وأوجدها سبحانه وتعالى وما إذا كان المضاف إليه معنا ليقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات كالسمع والبصر وجب أن يكون صفة لله قائمة به وفيه إثبات صفة الكلام خلافا للجهمية فإنهم جعلوا كلام الله مخلوقا والنصارى جعلوا كلامه معبودا. Donc, mudaf, mudaf ilay. Quand on a quelque chose, un mot, qui est annexé à l'afz al-jalala, à Allah. Si ce mot-là qui est annexé, donc mudaf, mudaf ilay, comme les exemples qu'il va citer, Abdullah, Baytullah, Sama'ullah, Malullah, Naqatullah, etc. Ce qu'on appelle l'idafa, c'est-à-dire mudaf, composé du mudaf et mudaf ilay. Quand le mot qui est annexé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de, on va dire entre guillemets, d'indépendant, d'autonome, une personne, quelqu'un qui, quelque chose qui vit, on va pas dire par lui-même parce que tout vit par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le qayyum, mais c'est un être indépendant. C'est un être indépendant. Et on peut le caractériser simplement par le fait qu'on peut le voir et qu'on peut le toucher. Quelque chose qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Comme Issa. Issa, c'est un être humain qu'Allah Jalla wa'ala, il a créé certes d'une mère sans père, mais ça reste un être humain que ses compagnons ont pu voir, que les gens ont pu voir et pu toucher. Il dit, c'est impossible qu'il soit un attribut d'Allah. C'est pas possible que quelque chose qui... est indépendant, un être indépendant, soit un attribut d'un autre, de quelqu'un d'autre. Mais ici, il s'agit le fait d'attribuer une créature à son créateur, ou d'annexer la créature à son créateur. Idafatu makhluqin illa khaliqi. Isa ou Abdullah. Le serviteur d'Allah, le serviteur, c'est un être indépendant. Il ne peut pas être un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mustahil, impossible. Et là, on appelle ça donc idafatu makhluq ila khaliqi. C'est l'annexion ou l'attribution de la créature à son créateur. Et elle est de deux sortes. Soit c'est une annexion pour... montrer la valeur de celui qui est annexé à Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer sa noblesse, comme Baytullah, on appelle al-Ka'aba Baytullah, la maison d'Allah, pour montrer sa valeur, pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime cette maison et qu'elle a une particularité. Ou Khalilullah, c'est que Ibrahim alayhi salam ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Khalilayn, les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah il a aimé plus que les autres messagers. Wa ruhullah, l'âme d'Allah, c'est-à-dire toutes ces choses-là, c'est soit des êtres, soit des objets qui sont indépendants. Et donc ça rentre dans le chapitre de l'annexion de la créature à son créateur. C'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, c'est des choses concrètes. Ce n'est pas un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a créés par sa puissance et sa sagesse. Et on a aussi une annexion qui rentre aussi là-dedans, le fait donc d'annexer la créature à son créateur, mais qui n'implique pas teshrif. C'est pas pour montrer sa noblesse, mais c'est simplement pour montrer que c'est une créature d'Allah Jalla. Et là, tout rentre dans cette catégorie-là. Tout ce qui n'est pas Allah rentre dans cette catégorie-là. On rappelle que dans le wujud, dans l'existence, il y a deux sortes. Il y a le khaliq ou le makhlouq. Le khaliq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala par son zat et ses attributs. Tout ce qu'il y a en dehors de ça, c'est créé. Comme Allah il le dit, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Et il vous a assujetti tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Minhu, c'est-à-dire comme créature qu'il a créée. Donc tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, il nous l'a assujetti à nous et par sa création. Il l'a créé. Et tout ça, donc, ça rentre dans la catégorie des créatures d'Allah, le makhlouq. Et dafat al makhlouq, il est khaliqi. Donc c'est lui qui les a créés, c'est des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créées à partir de rien. Et la deuxième catégorie dit, si la chose qu'on a, pas, c'est pas la chose, si le mot qu'on annexe à Allah Jalla wa ala, Allah, ce qu'on appelle lafz al-jalala, quand on dit Allah, on dit lafz al-jalala, le mot qu'on annexe à Allah, lafz al-jalala, si c'est quelque chose qui est ma'anawi, c'est un sens, mais ce n'est pas un être, ce n'est pas un objet concret qu'on peut voir, qu'on peut toucher. C'est un sens. Et qu'on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui n'est pas indépendant, c'est-à-dire quelque chose qui a besoin d'autre chose pour exister, qui doit être lié à autre chose. Alors il dit. Ceci, c'est un attribut d'Allah. Et ça rentre dans le fait d'annexer l'attribut ou la sifat, l'attribut à celui qui est caractérisé ou qui est décrit par ces sifat-là. C'est-à-dire, idafat sifa, il est le mawsouf. Le fait d'annexer l'attribut à celui qui est décrit par cet attribut, ici en l'occurrence, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit contrairement, non. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas indépendant. Comme par exemple, as-sam' wal-basar, l'attribut de la vue et l'attribut de l'ouïe, le fait de voir et entendre. Ou la science, ou la force. La force, ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça tout seul. Ce n'est pas quelque chose d'indépendant. La force, elle est liée à un être. C'est l'attribut d'un être, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pareil, ce qu'il cite, as-sam' wal-basar. Il n'y a pas une force comme ça qui provient, qui n'est pas liée à un être, à un être. Allah ici en l'occurrence. Donc là, quand on parle de quelque chose qui c'est un sens, quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. La force, la science, le sam' ou le basar, ou le kalam. Il n'y a pas de kalam sans mutakallim. Il n'y a pas de parole sans quelqu'un qui l'a dit. Une parole comme ça, elle n'existe pas toute seule et ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher. C'est un attribut. Et ici, en l'occurrence, concernant la parole, c'est ce qui nous intéresse. Il est obligatoire que cette parole-là, soit un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose comme ça, qui ne peut pas exister, qui peut pas exister comme ça par elle-même, qui est une chose indépendante, un objet ou un être, comme on a cité avant, les animaux, Baytullah, ou Naqatullah, ou Sama'ullah, toutes ces choses-là, c'est des choses concrètes qu'on voit, qu'on peut toucher, c'est des créatures d'Allah. Là, ici, c'est un sens, c'est le kalam. Le kalam n'existe pas sans mutakallim. La parole, elle ne peut pas exister sans quelqu'un qui l'a dit. Donc ici, c'est un attribut d'Allah contrairement aux Jahmiyyah. Encore une fois, qui ont prétendu que le Coran, il est créé. Qu'Allah, il l'a créé. Ils se sont servis, entre autres, de ce hadith-là, comme on l'a dit. Ils ont dit, wa kalimatuhu, ah, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, ils disent que Isa, c'est kalimatullah, c'est la parole d'Allah. Isa, elle est créée, donc la parole d'Allah, elle est créée. Et le sens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Isa d'une père, pardon, d'une mère sans père en disant kun. Et c'est par cette particularité-là qu'il a été appelé kalimatullah. Et aussi, contrairement aux chrétiens, ici, il veut dire qu'ils ont pris Isa alayhi salam comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça contredit les deux manhaj batil, en sachant que les deux groupes, le Jahmiya ou le Nasara, ils ont utilisé ce hadith contre les musulmans, contre les gens de la Sunna. Et les ulama, ils leur ont répondu, comme il l'a cité brièvement, le cheikh. Il poursuit dans le hadith là, wal jannata haqq, wal nara haqq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant wal jannata haqqun, wal nara haqqun. قال المحشي رحمه الله أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها وأن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حق ثابتة وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان. Ici, il s'agit donc de témoigner que le paradis, au sujet duquel Allah Jalla wa Ala nous a informé dans son livre, et lequel ou qu'il a préparé pour les pieux, est une vérité, au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et de la même manière que le feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a préparé pour les kuffars, na'udhu billah, est une réalité. Et qu'ils sont tous les deux, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, créés maintenant, et qu'ils existent déjà maintenant. Allah Jalla wa Ala plusieurs fois dit: Uiddat lil kafirin. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Et craignez le feu qui a été préparé pour les kuffars. Uiddat, uiddat, c'est un verbe madi, c'est un verbe passé. Et là-bas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé dans ce verset-là l'enfer, et que c'est un acte passé, c'est-à-dire que ça y est, il existe maintenant. Contrairement à certains groupes, il me semble comme Al-Mu'tazila, qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il créera le paradis et l'enfer que Yawm al-Qiyamah. Je leur attribue ça, mais à vérifier, Al-Mu'tazila. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va évoquer ce qu'on appelle jawab shart. Ici, c'est ce qu'on appelle en arabe, dans la langue arabe, ce qu'on appelle jumlatun shartiyya. C'est une phrase de condition. Et la phrase de condition, elle est composée de trois choses. Si on se rappelle de ça, elle est composée du nom ou de la préposition de condition. Ici, c'est men. Ici, c'est un nom, men. Elle est constituée, deuxièmement, de la condition qui est traduite par un verbe. Ici, c'est shahida. Shahida. Et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire shahida an la ilaha illallah, première condition. Wahdahu la sharika la. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, deuxième condition. Troisième condition. Quatrième condition. Cinquième condition. Et ensuite, on a la récompense. C'est-à-dire, si toutes ces conditions-là ont été réalisées, Alors la personne, elle, où on a ce qu'on appelle jawab shart, ou la récompense ici, c'est quoi? Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana min al-amali. Allah le fait rentrer au paradis conformément ou selon ses actes. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد وهذه الجملة جواب شرط أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به وإن كان مقصرا وله ذنوب فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير أولا إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة ثانيا أن يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب وهو بين أمرين إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة ويجازيه بجرمه أو ثالثا أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة Donc, adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana min al-amal. Celui qui réalise ces cinq conditions-là, Allah le fait rentrer au paradis selon, conformément à ses actes. Selon ses actes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il nous dit, le shir, il nous dit, donc, selon ses actes, c'est-à-dire ses actes, ses bons actes, ou c'est que ses actes, ils soient bons ou mauvais. C'est-à-dire ici, parle du muwahhid. Parle du muwahhid. Donc, ça va, celui qui a réalisé ces cinq, qui a prononcé ces cinq shahadallah, qui y croit fermement, qui en a la science et qui met ce qu'il y a à mettre en application comme acte, comme on l'a dit, l'adoration d'Allah seul, le délaissement du shirk, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rajoute à ça les croyances suivantes, le croyance au paradis, à l'enfer, que Isa alayhi salam est l'envoyé d'Allah et son serviteur, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer au paradis selon ses actions, si elles sont bonnes ou mauvaises, mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sa fin, elle est au paradis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la récompense, le jawab shart. Et donc, ici, il répète que cette shahada ou ces shahada-là, elles sont conditionnées par l'ikhlas. Par l'ikhlas, c'est-à-dire celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Avec véracité, quelqu'un qui prononce ces shahadas-là et qui croit fermement dans son cœur ce qu'elles signifient. Sinon, on est dans le cas du munafiq, qui dit des choses par la bouche, qui ne croit pas par le cœur. Et qui croit fermement en son messager et ce avec quoi il nous est venu. C'est-à-dire, il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'envoyé d'Allah et qui accepte toute la législation, et qui soumet intérieurement et extérieurement. Il dit, et celui-là, même si il a diminué sa foi, et il a en commettant des péchés, cette hasana-là, c'est-à-dire la bonne action du tawhid, elle est plus lourde que l'ensemble de tous les péchés, comme on le verra dans les hadiths suivants, comme dans ce qu'on appelle le hadith al-bitaqa. Et en fait, selon cette personne-là qui a réalisé le tawhid, selon les actes qu'elle a commis, c'est les actes d'obéissance ou les actes des obéissances, elle se retrouve dans trois cas différents. Soit c'est quelqu'un qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et qui est saint de tout péché. Ici, le sens, comme on va le voir plus tard dans le chapitre, c'est pas quelqu'un qui commet aucun péché, ça n'existe pas. Après les messagers. Le messager, on avait dit, il y a un khilaf sur sara'r, sur les petits péchés. Il y a un ijma' sur le fait qu'ils ne commettent pas les grands péchés. Il y a un ijma' sur le fait qu'ils ne commettent pas les petits péchés qui vont avoir une incidence sur ce qu'on appelle al-muru'a. Al-muru'a, c'est-à-dire les bonnes manières qui vont toucher à ce qu'on appelle l'adala. L'adala, c'est l'équité d'une personne. L'équité d'une personne, c'est quelque chose qui est conditionné dans le témoignage, qui est conditionné pour les rapporteurs de hadith, pour qu'on prenne leur riwaya, etc. Tout ça, c'est conditionné al-muru'a. Donc, ils sont aussi unanimes sur le fait que les messagers ne commettent pas de petits péchés qui vont nuire à l'Umuru'a, à cette équité. Il y a un khilaf sur les petits péchés. Mais après eux, on avait vu dans le Wasitiya que même des grands compagnons ont commis des grands péchés. Mais le but, ici, le sens, c'est quelqu'un qui se repent, qui meurt en s'étant repenti de ses péchés, qui ne meurt pas en étant persistant sur des grands péchés. Et qui s'est désavoué du shirk, du grand shirk et du petit shirk, alors celui-là, il rentre au paradis directement. Il peut même rentrer, comme on verra dans le troisième chapitre, qu'il peut rentrer même sans jugement, sans être jugé. Ensuite, deuxièmement, il peut être dans le cas, celui donc le mouahid, qui a commis, lui, des péchés, des grands péchés, et qui a persisté, c'est-à-dire qu'il est mort sur ces péchés-là. Il ne s'en est pas repenti. Lui, il est devant deux choses. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. Il le fait rentrer au paradis directement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, on le verra plus tard. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Shirk Akbar, ici le sens de l'ayah. Et il pardonne en dehors de cela, c'est-à-dire en dehors du shirk Akbar. Il pardonne à qui il veut. Donc cette personne-là qui a commis, qui est morte sans s'être repentie de ces grands péchés-là, évidemment en dehors du shirk Akbar, celui-là. Il peut, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut lui pardonner et le faire rentrer au paradis directement. Ou alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut le châtier pour ces péchés-là. Il peut le châtier dans un premier temps pour ces péchés-là, mais ensuite, et ça c'est une certitude, il le fait rentrer au paradis. Et la fin du mouahid, comme on l'a vu, comme on l'a déjà répété, c'est dans la croyance d'Al-Sunna wal-Jama'a, celui qui meurt sur le tawhid, qui s'est écarté du shirk akbar, qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul, celui-là, sa fin, c'est au paradis. Même si avant ça, il doit subir le châtiment, que ce soit dans la tombe, que ce soit fil mawqif, que ce soit en enfer, il sortira et. Sa fin est au paradis et il termine le paragraphe en disant فَفِيهِ فَاضْلُ التَّوْحِيدِ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ فَمَصِيرُهُ إِلَى الْجَنَّةِ بِكُلِّ حَالٍ. Et en cela, il y a le mérite du tawhid. On a dit c'est le plus grand mérite du tawhid et le plus grand mérite du mouahid, c'est que sa fin elle est au paradis. Quels que soient les péchés qu'il a commis en dehors du shirk akbar, évidemment, on parle du mouahid. Il dit Wazalika, et ceci parce que celui qui meurt sur le tawhid, sa fin est au paradis dans n'importe quelle condition, bikulli hal. Et ça, c'est ce qui correspond, ou c'est cette partie-là du hadith qui correspond au titre du chapitre. Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Fadl al-Tawhid, le mérite du Tawhid. Le plus grand mérite du Tawhid, c'est quoi? C'est que le Mouahid, sa fin, elle est au paradis. Sa fin, elle est au paradis. Akhraja, donc c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou al-Muslim. Hadith authentique. Et on va arrêter là, inshallah. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.